Hortense, elle, était évidemment occupée de ses propres chagrins, et depuis 15 jours, Lisbeth savait qu'elle éprouvait les premières inquiétudes que le manque d'argent cause aux gens probes, aux jeunes femmes à qui la vie a toujours souri et qui déguisent leurs angoisses. Aussi, dès le premier moment, la cousine Bette devina-t-elle que la mère n'avait rien donné à sa fille. La délicate Adeline était donc descendue aux fallacieuses paroles que le besoin suggère aux emprunteurs. La préoccupation d'Hortense, celle de son frère, la profonde mélancolie de la baronne, rendirent le dîner triste, surtout si l'on se représente le froid que jetait déjà la surdité du vieux maréchal. 3 personnes animaient la scène, Lisbeth, Célestine et Wenceslas. L'amour d'Hortense avait développé chez l'artiste l'animation polonaise, cette vivacité d'esprit gascon, cette aimable turbulence qui distingue ces Français du Nord. Sa situation d'esprit, sa physionomie, disait assez qu'il se croyait en lui-même et que la pauvre Hortense, fidèle au conseil de sa mère, lui cachait tous les tourments domestiques.